Alors moi j'ai vu sa J'ai tournée. mon appareil photo, je suis morte. Écoute, j'ai vu sa tournée. Notamment, il passe à Clermont-Ferrand chez moi. Si vraiment il arrive à tenir toute la tournée, bravo. Parce que c'est vrai qu'il est un peu fatigué. Là, il revient de Nantes. Pas de Nantes. Ouais, Nantes, non, si, je sais plus. Bon, on va être obligé de se faire un Johnny, alors Phil. Ne tourne pas rond. Ah, téléphone! Mais je m'en fous, moi. Je verrai Johnny parce qu'au moins une fois dans ma vie, je l'aurais vu. Mais je suis invité par Louis. Suis invité par Louis, moi. T'as la merde. Et là, il est en train de m'envoyer un SMS pour savoir si je venais. J'ai dit, t'es malade et je vais pas rater ça. Quoi? Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse con. Putain, je me rappelle plus des paroles. Ouh, la honte. Rien d'autre que toi, non, rien d'autre. parons. Mais dans tes pattes en rond, moi je fais un rond. Quelque chose en toi ne tourne pas. Autour de moi, toi tu fais un rond. Et les balles doudou, mes routes et bagnoles. Et la vie des saints et leurs auréoles. Le murmure de la ville et de ses machines molles. Rien ne t'affole. Wouh! Et j'aime encore mieux ça. Tout le monde m'écrit. Ils sont fous, ils sont devenus fous. Oh my god! Oups, pardon. Excusez-moi. Bon, qu'est-ce qu'il me dit?